Chapitre 9. Le chant de Sigurdrifa. Sigurd chevaucha vers Hindarfjall. Il s'avança dans la direction du sud, du côté du pays des Francs. Sur la montagne, il vit une vive lumière comme celle d'un feu qui brûle, et ses lueurs illuminaient le ciel. Quand il approcha, il vit un château fort, et sur ce château une bannière. Sigurd entra dans le bourg et y aperçut un guerrier qui dormait armé de pied en cap. Il lui enleva d'abord le haume de dessus la tête, et alors il vit que c'était une femme. La cotte de maille tenait si fort qu'on aurait dit qu'elle était entrée dans la chair. Avec son épée Gram, il coupa la cotte de maille du haut en bas, et il la coupa aussi aux deux bras. Puis il l'en dépouilla, mais elle se réveilla, se souleva, vit Sigurd et dit « Qui coupe ma cotte de maille? Qui interrompt mon sommeil? Qui me délivre de ces sombres liens ?» Sigurd. « C'est le fils de Sigmund. L'épée de Sigurd a coupé la cotte de maille. » Sigurdrifa. « J'ai dormi longtemps. Longtemps le sommeil m'a tenue captive. Longtemps durent les souffrances des humains. Odin a ordonné que je ne pusse point secouer les runes du sommeil. » Sigurd s'assit et demanda son nom. Elle prit une corne pleine d'hydromel et lui donna la boisson de la bienvenue. « Salut, ô jour! Salut, ô fils du jour! Salut, ô nuit, et toi, terre nourricière, salut! Jetez sur nous des regards bienveillants et accordez-nous la victoire! Salut à vous, As! Salut à vous, Asini! Salut à toi, campagne féconde! Accordez-nous à nous deux, qui avons un noble cœur, la parole et la sagesse et des mains toujours pleines de guérison! » Elle s'appelait Sigurdrifa et elle était Valkyrie. Elle raconta comment deux rois se faisaient la guerre. L'un avait nom Jarl Gunnar. Il était vieux. C'était le plus vaillant des guerriers et Odin lui avait promis la victoire. L'autre s'appelait Agnar, frère d'Auda, et personne ne voulait le protéger. Sigurdrifa tua Jarl Gunnar dans le combat. Mais pour la punir, Odin la piqua de l'épine du sommeil et décida qu'à partir de ce moment, elle ne remporterait plus de victoire dans les combats et qu'elle se marierait. Mais je lui dis que je faisais le serment de n'épouser aucun homme qui connaîtrait la crainte. Sigurd lui répondit et la pria de lui communiquer la sagesse, elle qui connaissait tous les mystères de l'univers. Sigurdrifa parla. « Je t'apporte aux chaînes des combats de la bière mêlée de force et de gloire, pleine de chants et de paroles bienfaisantes, pleine des charmes qui donnent le bonheur et des runes qui procurent la joie. Si tu veux triompher, tu graveras des runes de victoire, tu en graveras sur la poignée, sur le dos et sur le plat de l'épée, et tu invoqueras deux fois le nom de Tyr. Connais les runes de l'œil, afin que la femme d'autrui ne trompe point la confiance que tu mettras en elle. Grave ces runes sur la corne à boire et sur le dos de la main, et marque ton ongle d'un N. » Tyr est le dieu de la guerre. Les runes dont il s'agit ici sont des lettres et des signes magiques. L'œil, ale en anglais, est la boisson de bienvenue que présentaient les femmes. Bénis la coupe pleine, garde-toi du danger et mets de l'ail dans ta boisson. De cette manière, j'en réponds, jamais dans ton hydromel ne se mêlera la trahison. Apprends à connaître les runes secourables si tu veux secourir autrui et aider les femmes à se délivrer de leurs fruits. Inscris-les dans le creux de la main et autour du poignet et invoque la protection des désirs. Les désirs étaient des divinités tour à tour favorables et hostiles aux hommes. Apprends à connaître les runes de la tempête si tu veux sauver les vaisseaux dans les détroits. Grave-les sur les tombeaux et brûle-les dans le gouvernail. Quelque haut que soient les brisants, quelque noires que soient les lames, tu reviendras sain et sauf de dessus la mer. Apprends à connaître les runes des branches, si tu veux être médecin et si tu veux guérir les blessures. Grave-les sur l'écorce des arbres du côté où ces branches sont tournées vers l'Orient. Apprends à connaître les runes du jugement, si tu veux être à l'abri de la vengeance de celui qui est lésé. Réunis-les, entremêle-les et place-les tout ensemble au lieu du Ting, là où tous s'assemblent pour prononcer le jugement suprême. Apprends à connaître les runes de l'intelligence si tu veux paraître avoir plus d'esprit que les autres. Celui qui les trouva, les exprima et les grava le premier fut Sigfadir, Odin. Il les puisa dans la rivière qui coulait du crâne de Heidraupnir et de la corne de Hodraupnir. Heidraupnir et Hodraupnir sont des surnoms de Mimir. C'est dans la fontaine de Mimir qu'Odin puise la sagesse. Il se tenait sur le haut de la montagne, son épée étincelante à la main et le casque en tête. Pleine de sagesse, la tête de Mimir prononça sa première parole et indiqua les véritables runes. Il parla et elles se gravèrent sur le bouclier du dieu de la lumière, sur l'oreille d'Arvakur et sur le sabot d'Alfvedur. Arvakur et Alfvedur sont les chevaux du soleil. Sur la roue qui roule sous le char de Rögnir, Rögnir est Odin. Cette roue est encore le soleil. Sur les dents de Sleipnir et sur les courroies du traîneau, Sleipnir est le cheval d'Odin. Sur les griffes de l'ours, sur la langue de Bragi, Bragi est le dieu de l'éloquence et de la poésie. Sur les ongles du loup, ce loup est le loup Fenrir, qui doit vaincre Odin dans le combat suprême à la fin du monde. Sur les serres de l'aigle, sur les ailes sanglantes et sur l'extrémité du pont, ce pont est Bifrost, l'arc-en-ciel. Sur la main de qui soulage et sur la trace de qui guérit. Sur l'or et sur le verre, sur les amulettes de bonheur, dans le vin et les épices, sur le siège de Vala, sur la pointe de Gungnir et la poitrine de Grani, sur l'ongle de la Norne et sur le bec du hibou. Toutes celles qui étaient ainsi découpées furent enlevées, arrosées d'hydromel sacré et envoyées au loin. Les unes sont en la puissance des Ases, les autres en celle des Elfes, les Vannes en possèdent quelques-unes et les enfants des hommes d'autres. Voilà les runes du savoir, les runes secourables, les runes de l'œil et les runes si renommées de la puissance, pour celui qui, sans se tromper, sait les employer avec pureté à son avantage. Apprends à les connaître et laisse-les agir jusqu'à ce que les dieux meurent. Maintenant, c'est à toi de choisir, car tu dois faire un choix, vaillant héros semblable aux chênes des forêts. Songe-y bien, il faut parler ou te taire. Tous les actes ont leur suite nécessaire. Sigurd, quand je verrai la mort devant moi, je ne reculerai pas. Je ne suis point né lâche. Je suivrai tes bons conseils tant que je vivrai. Sigurdrifa, je te conseille d'abord d'être sans reproche envers tes amis, même s'ils t'offensent. Sois lent à te venger. Cela, dit-on, plaît aux morts. Je te conseille ensuite de ne jamais prêter un serment sans y être fidèle. Des souvenirs amers enveloppent celui qui manque à sa parole. Il est malheureux l'homme qui trahit son serment. Je te conseille, troisièmement, à l'assemblée du Thing, d'éviter les gens qui ne connaissent point le monde. Un imbécile dit souvent des choses pires qu'il ne le croit lui-même. Avec eux, tout offre des inconvénients. Si tu te tais, on dira ou que tu recules par lâcheté, ou que tu es justement accusé. Le témoignage d'un serviteur est fâcheux quand il en donne un mauvais. Dès le lendemain, enlève-lui la vie et punis ainsi ses mensonges. Je te conseille quatrièmement, si tu rencontres le long du grand chemin une sorcière pleine de méchanceté, de passer plutôt que de t'arrêter près d'elle, quand même tu serais surpris par la nuit. Les enfants des hommes ont besoin d'un clair regard quand il leur faut combattre bravement. Souvent, au bord du grand chemin, de méchantes sorcières sont assises qui ensorcellent et votre esprit et votre épée. Je te conseille, cinquièmement, si tu vois de belles jeunes filles assises sur les bancs, de ne pas te laisser enlever le sommeil par l'argent de leurs parents et de ne pas les attirer dans tes bras. Je te conseille, sixièmement, si tu entends des guerriers se livrer à des paroles avinées, de ne pas te quereller avec eux dans l'ivresse. Le vin prive plus d'un de sa sagesse. Les querelles et l'ivresse ont causé le malheur de bien des héros. L'infortune des uns, la mort des autres, les souffrances des hommes sont très nombreuses. Je te conseille septièmement, si tu as affaire à des hommes courageux, de les combattre plutôt que de périr dans les flammes qu'ils pourraient allumer. Je te conseille huitièmement d'éviter l'injustice et les tromperies, de ne point séduire de jeunes filles et de ne point entraîner au mal la femme d'autrui. Je te conseille, neuvièmement, de ne point négliger les morts que tu rencontres dans les campagnes, qu'ils aient succombé à la maladie, dans la tempête ou dans les combats. Élève un monticule en l'honneur de celui qui a quitté la terre. Lave-lui les mains et la tête. Sèche-le et peigne ses cheveux avant que la bière le reçoive, et prie qu'il dorme heureux. Je te conseille dixièmement d'avoir soin de ne point te fier à la parole des parents de ton ennemi, ni de celui dont tu as frappé le frère ou tué le père. Un loup vit au cœur de son jeune fils, quoi qu'on l'ait satisfait avec de l'or. Ne crois point que l'esprit de haine et de colère s'endorme, ou qu'on n'oublie jamais l'injure reçue, que celui qui veut être le premier de tous sache choisir ou l'habileté ou la force. Je te conseille onzièmement de surveiller le méchant et de regarder quel chemin il veut prendre. Je ne crois pas que ta vie au roi se prolonge longtemps. Une noire trahison se prépare. Zégord dit, il n'y a point de femme qui en sache autant que toi. Et je le jure, je veux que tu sois à moi, car tu es comme je le désire. Elle répondit, c'est toi que je préfère et nul autre, quand j'aurais à choisir parmi tous les hommes. Et leurs serments confirmèrent ses paroles.